4. Hier je me suis fait jeter comme un chien. Moi je pense que t'es libre enfin. 2 ans qui s'effacent pour rien. C'est simplement ta chance qui revient. Mais comment oses-tu dire ça? Cette fille était tout pour moi. Elle n'était pas dans cet esprit-là. Sinon elle t'aurait pas éjecté comme ça. Comprends-tu que je l'ai déçue? Fini tes problèmes liés au cul. En ce moment je sais qu'elle a mal. Et toi ça fait 10 jours que tu chiales. Sans elle je serais toujours seul. Tu ne vois pas que tu es aveugle. J'ai perdu toutes mes envies. Non c'est elle qui te les a pris. Où est l'amour, celui qui rime avec toujours, avec toujours? C'est une idée toute faite qui est inscrite dans ta tête. Ça ne sert à rien de rêver. La vie n'est pas un conte de fées. Moi je la reconnais plus. Honnêtement je dirais même plus. Et qu'est-ce qui te fait douter? Bah hier elle m'a quitté. Quand elle est rentrée d'Équateur, elle ne t'a même pas fait un sourire. Dans l'appart j'avais disposé 80 fleurs. Ça faisait longtemps qu'elle voulait repartir. On avait emménagé pour rebondir. Mais déjà il était trop tard. Nos problèmes furent de pire en pire. C'est pas comme ça qu'on sauve une histoire. J'ai dû faire tant de compromis. Je dirais même que t'étais soumis. Arrêtez de voir mes amis. Est-ce que tu regrettes cette vie? Où est l'amour, celui qui rime avec toujours, avec toujours? C'est une idée toute faite qui est inscrite dans ta tête. Ça ne sert à rien de rêver. La vie n'est pas un conte de fées.